agents britanniques qui travaillaient au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940. L'atmosphère malsaine dans laquelle ont grandi beaucoup de vos aînés, a détendu leurs énergies, amolli leur courage et les a conduits par les chemins fleuris du plaisir à la pire catastrophe de notre histoire. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. D'année en année, les best-sellers ont beaucoup à nous dire au-delà du talent éventuel de leurs auteurs sur les moments successifs d'une sensibilité collective. À cet égard, le succès actuel du livre intitulé « Le suicide français » incite à replacer dans la durée le thème récurrent du déclin national. Sur le pessimisme actuel de notre pays, quand il se considère lui-même, il n'y a guère de doute, même si un examen attentif des sondages qui le reflètent amène souvent à en nuancer l'expression. Je n'ambitionne pas naturellement, en une heure de temps, de proposer je ne sais quelle conclusion sur le fond des choses et sur la mesure concrète d'une possible décadence avérée, mais bien plutôt de réfléchir au second degré à cette hantise du déclin dont on voit courir la virulence tout au long du XXe siècle. La hantise du déclin, c'est précisément le titre de l'ouvrage que vient de rééditer Robert Franck, professeur émérite à la Sorbonne en histoire des relations internationales, qui est devant mon micro ce matin. Il s'y demande si cette hantise n'est pas de toujours toute intensifiée qu'elle ait été par les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale et ceux de la décolonisation, puis par les conséquences bouleversantes des nouvelles technologies et de la mondialisation qui s'en nourrit. La France en face d'elle-même, la France angoissée devant la mise en cause contemporaine de sa différence, la France secrètement orgueilleuse et ouvertement déprimée, nous allons donc tâcher d'en mieux comprendre, dans le long terme, les chagrins. Y'a plus de jeunesse, y'a plus de saison, y'a plus de printemps, y'a plus d'automne, y'a plus de façon. Tout fout le camp, y'a plus d'enfants, y'a plus de famille, y'a plus de morale, y'a plus de civisme, plus de religion. Tout fout le camp, y'a plus de pognon, y'a plus de pitié, y'a plus de moisson, plus de charité, y'a plus de joie de vivre, y'a plus de piété. Y'a plus de travail, y'a plus de santé. Y'a plus de chansons, y'a plus de chanteurs. Y'a plus de bonheur, y'a plus de boxons, y'a plus de boxeurs. Tout fout le camp, y'a plus de français. Y'a plus de rosières, y'a plus de fontaines, y'a plus de chalets nécessités. Tout fout le camp, y'a plus de vrais hommes, y'a plus de drapeaux. Y'a plus d'Afrique, y'a plus de colonies. Y'a plus de boniche, plus de savoir-faire. Plus de tradition, plus que des affaires. À quoi bon se bomber, à quoi bon se monter. À quoi bon se gonfler, à quoi bon se bouger. À quoi bon rêver, à quoi bon se leurrer. À quoi bon se briser, l'homme en est plus qu'il était. Y'a plus de bon air, y'a plus de soleil. Y'a plus de chevaux, y'a plus de romance, y'a plus de décence. Tout fout le camp, y'a plus de Paris, y'a plus de Halles, plus de bord de Seine, plus que des autres, plus que des problèmes. Tout fout le camp, y'a plus de maison, plus que la télé, y'a plus de trottin, plus que du tapin. Y'a plus de ténor, y'a plus de louis d'or, y'a plus de conscience, y'a plus de vraie banque. Y'a plus de bon pain, y'a plus de fromage. Y'a plus de bonne viande, y'a plus de poulet, y'a plus de vrai lait. Tout fout le camp, y'a plus d'amour, y'a plus de serment. Plus de clair de lune, plus de galanterie, plus que la pilule. Tout fout le camp, y'a plus de ferveur, y'a plus sexe. Y a plus de dollars, plus que du prince fesse. Y a plus d'héros, plus d'héroïne. Y a plus que du hache et de la morphine. À quoi bon, à quoi bon de chanter, à quoi bon, quoi bon de crier, à quoi bon, à quoi bon de clamer, à quoi bon de hurler, à quoi bon adorer la vie, à quoi bon qu'on se dit, à quoi bon puisque c'est fini, ou c'est peut-être moi qui vieillis. Robert Franck, bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre Tout fout le camp, c'est une chanson de Carole Chris et de Mouloudji, interprétée par celui-ci. Une chanson qui remonte à 1972, voici 42 ans. J'ai un peu envie de la dédier sur un mode légèrement ironique à Éric Zemmour. Oui, je crois que vous avez raison, mais cette chanson montre, je crois, deux choses. Avec humour, il parle finalement des déclinistes, parce que bien sûr, il ne prend pas à son compte ce qu'il dit. Mais en parlant avec humour du déclinisme, il développe leurs arguments. Et d'une part, on pourrait dire que c'est un thème récurrent. Je veux dire, dès le 19e siècle et tout au long du 20e siècle, il y a toujours quelqu'un pour dire tout fout le camp. En même temps, c'est daté d'après 1968. C'est complètement daté. Je veux dire, on est dans les années 68 ou à la fin des années 68, parce qu'évidemment, ce sont les traditions qui s'en vont et qui sont effectivement remplacées par la pilule, par la révolution sexuelle, par la drogue. Enfin, on sent bien l'esprit du temps. Et c'est intéressant parce que on a à la fois un thème récurrent, mais à chaque fois, il y a un événement déclencheur. Mais 68 qui est dans le collimateur de Zemmour, d'ailleurs. C'est le mai 68 qui est dans le collimateur de Zemmour. Et en même temps, cet esprit 68, on le trouve condamné par diverses séries de familles de droite, de Luc Ferry jusqu'à Sarkozy, en allant jusqu'à Zemmour. Là, c'est 68 l'événement déclencheur, mais ça peut être aussi la défaite de 1871. Ça peut être, bien sûr, la défaite de 1940, beaucoup, beaucoup plus grave. Ça peut être la décolonisation. Il y a toujours un événement déclencheur qui fait refleurir ce discours décliniste. Il y a déjà l'émergence de l'idée de décadence, au moins dans les milieux littéraires, à la fin du 19e siècle. On a ça, y compris donc à cette belle époque, où au contraire la France reprend des couleurs, où elle fait l'expo de 1900. L'esprit fin de siècle. Et là, je crois qu'on peut faire une distinction peut-être entre le déclin et la décadence. C'est-à-dire que la décadence va plus loin que le déclin. C'est pas seulement la France qui tombe, pour reprendre le titre du livre de Bavrez. De 2002. Mais c'est en plus l'idée que si la France est en déclin, c'est pour des raisons morales, parce qu'elle s'écarte de ses traditions. Et du coup, on arrive à cette autre notion que celle de décadence, qui est également récurrente depuis 120-150 ans. J'observe que dès 1931... les ancêtres de Nicolas Bavrez, Arnaud Dandieu et Robert Aron écrivaient « La décadence de la nation française ». Là, vous prenez les années 30, c'est précisément un moment où le déclinisme atteint ses apogées. Je veux dire, après la grande victoire de 1918... après, disons, une certaine gloire des années 20, même si pendant les années 20, la France était malgré tout inquiète, malgré sa gloire, malgré sa victoire, face à l'Allemagne qui renaît. Il est évident que la crise des années 30, c'est pas seulement une crise économique, c'est une crise morale, une crise politique, un régime politique qui s'essouffle. Du même coup, le discours sur le déclin refleurit abondamment. Il me semble que les Français, tels qu'ils sont interrogés aujourd'hui sur leur avenir, qui sont si sombres, tous les sondages le confirment, que ces Français ont un peu oublié à quel point leurs prédécesseurs des années 30 étaient eux-mêmes pessimistes, peut-être d'ailleurs avec quelques motifs supplémentaires compte tenu de la menace qu'il y avait aux portes. Aujourd'hui, en tout cas, c'est incontestable, puisque je prends un des sondages de l'Institut CSA en décembre 2013. Deux tiers des Français approuvent l'idée selon laquelle on connaît une crise sans précédent. Alors pour l'historien, sans précédent. Et selon eux, il sera difficile de sortir sans réformer en profondeur le pays. C'est une autre idée. 58% jugeaient que la mondialisation économique est un danger pour la France, contre 27% seulement qui y voyaient une chance, il y a quelques mois. 77% jugeant que les inégalités sociales en France sont plutôt aggravées. On voit là ramasser la double question que nous allons avoir à traiter, celle de la place de la France dans le monde, puissance ou non-puissance, puissance en déclin, et d'autre part l'idée de l'identité française, de la cohésion, peut-être au nom d'une certaine cohérence affective, sociale et intellectuelle, qui apparaît souvent s'éloigner d'un point de vue français. Ce sont les deux fils directeurs, je crois, de notre conversation à venir. Mais revenons aux années 30. Pendant les années 30, il y a bien ce lien entre puissance et identité. On pourrait presque dire qu'à la fin des années 20 et début des années 30, au moment précisément en 31, la France organise l'exposition coloniale dans le bois de Vincennes, la France est peut-être à son apogée. l'apogée de son empire colonial, elle sort de la victoire de 1918, la crise qui arrive en 1929 partout est un petit peu retardée, et tout d'un coup, donc les années 30, là, tout tombe. En 1930, si on demande aux Français, êtes-vous une grande puissance? Ils répondent oui. Il n'y a aucun doute en 1930. Disons qu'il y a malgré tout des inquiétudes. Il y a toujours des inquiétudes, et surtout face à l'Allemagne puissante. Quelques années plus tard, l'inquiétude est plus grave. Hitler est au pouvoir en Allemagne, il devient de plus en plus menaçant au fil des années. Et si la crise arrive un peu plus tard en France pour frapper l'économie, elle est peut-être profonde, elle est délétère, et elle va durer vraiment jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, alors que d'autres pays ont réussi la reprise. Toute réflexion sur le déclin tel que vécu ou tel que ressenti par la France se concentre forcément sur le moment essentiel, dramatique de l'effondrement de 1940. Je veux dire, même avant 1940, avant cet effondrement, il y a cette inquiétude, et sans doute les clivages dans la société française joue un rôle important. Il est certain que le moment Front Populaire a pu aussi cristalliser, surtout à droite, le discours sur le déclin, avant même la catastrophe. Et lorsque la catastrophe arrive, bien sûr, on va, surtout à droite, mettre la responsabilité sur le Front Populaire qui n'aurait pas suffisamment réarmé. Sur cette ambiance d'avant la guerre, il faut entendre Paul Valéry, celui qui, en 1919, avait eu cette formule fameuse « Nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels ». 20 ans plus tard, le 1er juillet 1939, il s'exprime de la sorte. C'est l'extrait d'une conférence sur la crise de la civilisation occidentale. « Comme un navire qui sombre et qui entraîne avec soi au fond de la mer, tout son équipement d'appareils et de machines, toute la diversité de la cargaison, ses ameublements, ses marchandises et des livres tout nouveaux achetés la veille du départ, ainsi peut périr toute une civilisation. » Elle laisse parfois des ruines de cités qui ne furent ni moins vastes, ni moins belles que les nôtres. Parfois, il n'en reste que le nom et quelques mentions légendaires. Et tantôt, c'est la violence de la guerre qui a détruit cette œuvre collective qui fut si lente à produire. Tantôt, elle s'est lentement désagrégée par les effets de quelques altérations intérieures plus ou moins insidieuses. Un affaiblissement des énergies. Une perversion trop générale des conditions naturelles de la vie, une défaillance des instincts vitaux de conservation et de reproduction, une multiplication des facilités et des moyens qui économisent l'effort, une sorte de goût étrange pour les divisions intestines. Parfois, c'est la disparition des sources de prospérité qui alimentent cette forme de vie organisée qui la fait dépérir peu à peu, et on voit s'éteindre et se réduire à de misérables survivants, ce qui fut un foyer de puissance, un centre de création et de transformation, un théâtre d'événements à grande portée, un trésor d'ouvrages et de traditions accumulées. Dans la belle langue de Valéry, Robert Franck, on a là toute la thématique qui est désormais familière, le dépérissement, l'idée d'effondrement d'une civilisation, etc. Là, on est peut-être au cœur de cette réflexion de beaucoup d'écrivains, de poètes ou de philosophes sur le XXe siècle et sur l'après-Première Guerre mondiale. Comme vous l'avez rappelé, dès 1919, Valéry dit « Après la grande catastrophe, après le grand massacre de 14-18, nous autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortels ». Il reprend ce thème. Il voit donc une certaine décadence, aussi bien liée aux conséquences de la guerre, mais aussi à des raisons internes, une société qui n'arrive plus à retrouver cet élan vital. Et on est bien dans cette ambiance que l'on trouve aussi chez Husserl au même moment et d'autres philosophes qui parlent de la crise de l'humanité européenne. Donc là, on est disons, dans un contexte plus général. Il s'agit pas seulement du déclin de la France, mais c'est une réflexion vraiment sur l'Europe, sur l'Occident. Et c'est de ça qui est intéressant, c'est de voir comment le discours sur le déclin et la décadence change d'espace. Il y a tout un jeu d'échelle entre, disons, le national et l'européen. Mais on ne l'entendrait pas dans la bouche d'un Valéry allemand ou italien à la même époque. Ça dépend quelle tendance, si j'ose dire, en Allemagne ou en Italie. Cela étant, le fascisme italien, comme le nazisme allemand, se veut aussi une réponse à une certaine décadence. Pour les nazis, une réponse à tout ce qui est dégénéré, aussi bien dans la culture que dans l'économie. Et donc, de ce point de vue, la République de Weimar était quelque chose de dégénéré et le nazisme a pu régénérer l'Allemagne. Donc, là aussi, on a sur le plan moral, disons, un discours qui est plus sur la décadence que sur le déclin, c'est-à-dire plus sur la dimension morale de cette chute que sur les conditions objectives. C'est le temps du grand succès de l'ouvrage de Spengler. Là, on revient aux années 20, sur le déclin européen. Et c'est vrai que toute sa génération est marquée par les conséquences de la Grande Guerre. Hein, à savoir qu'il y a une sorte de guerre civile européenne qui a affaibli l'Europe, peut-être face aux États-Unis, même si les États-Unis n'ont pas pris le leadership complètement pendant l'entre-deux-guerres, puisqu'ils ont été relativement en retrait. Mais aussi bien dans les milieux économiques que dans les milieux intellectuels, on est frappé par ce risque de crise de l'Europe. Dans les années 30, disons qu'on a ce sentiment en France, avec en plus une réflexion sur le cas français, à savoir une France qui est divisée, une France qui est déchirée, les événements de 34, le Front populaire en 36, les grèves, et donc un contexte français particulier qui donne encore plus de résonance à ce discours sur le déclin. D'où naturellement, après la terrible défaite de mai-juin 40, la pratique de ce qu'on a appelé à l'époque souvent l'examen de conscience. Tout à fait. Et en particulier, une réflexion rétrospective sur ce qui s'est passé, ce qui explique que les choses aient si mal tourné, avec, dès ce moment-là, une distinction entre les déclinistes de gauche et ceux de droite. Du côté de la droite, ça dure encore, l'idée que le Front populaire aurait perdu la guerre. C'est un élément important de cette réflexion. On a entendu encore au début des années 2000, François Fillon dire « Mais quoi, vous avez perdu la guerre, vous, la gauche ?» Quand on analyse les causes, je préfère dire les causes de la défaite que les responsabilités, parce que dès qu'on parle de responsabilité, l'historien s'érige en juge. Mais le déclin réfléchit constamment aux responsabilités, voilà, les déclinistes. Voilà, d'une certaine manière, la défaite de 40 est la chose de France la mieux partagée, hein, aussi bien par la gauche et par la droite. Mais c'est vrai que c'est la droite qui insiste sur la responsabilité de la gauche, à savoir le Front populaire aurait perdu la guerre. Or, il est évident que le Front populaire, et ça a été une surprise, c'était pas prévu, une fois arrivé au pouvoir, Léon Blum a réarmé la France. On a un paradoxe. Le réarmement de Hitler commence en 34-35, il devient ouvert et officiel à partir de 1935, la droite est alors au pouvoir, et il n'y a à cette époque, en 34-35 et début 36, qu'une velléité de réarmement. Le Front populaire se fait élire sur un slogan inverse, paix, pain et liberté. Et parce que le réarmement allemand s'approfondit, Léon Blum décide de consacrer une grande partie du budget au réarmement. Au dépend d'ailleurs du programme de grands travaux civils. Hein. On a même le paradoxe, le chef d'état-major français demande 9 milliards en 4 ans et finalement Léon Blum, président du Conseil, Édouard Daladier, ministre de la Guerre, Vincent Auriol, ministre des Finances, acceptent de donner 14 milliards, montrant que finalement la demande de l'armée était insuffisante. Donc on est à front inversé. On a cette légende que la gauche, parce que pacifiste, ne donne pas assez d'argent à la défense nationale, que la droite en donne davantage, et c'est exactement l'inverse qui est arrivé à cette époque. Alors bien sûr, après le Front populaire, lorsque celui-ci tombe, lorsque Paul Reynaud, avec Daladier, on les ramène du pouvoir, Daladier et Reynaud d'abord, et ensuite Reynaud, il continue bien sûr, ce rare moment. La droite reprend la main. 1938, oui. On retrouve aussi, dans les années les plus récentes, fin 20e siècle et début 21e siècle, effectivement, on retrouve ce discours, vous disiez, bon, le Front populaire n'a pas suffisamment réarmé, la gauche est timide devant les dépenses de défense nationale. Là encore, c'est faux. Quand on prend sur les 15 ans qui précèdent 2014 et qu'on compare les moments de droite et les moments de gauche, il n'y a pas de différence. Et même sur un plan arithmétique, la gauche au pouvoir a un peu plus consacré à la défense nationale que la droite au pouvoir. Bon, la différence est minime, hein, mais en tout cas, on peut parler d'égalité. Donc là, il y a vraiment des légendes qu'il faut casser. En face à gauche, il y a l'idée que ce déclin et que cette épouvantable défaite, vers quoi aurait conduit le déclin, serait due à la trahison des industriels, du patronat. Trahison de la bourgeoisie, trahison des possédants, etc., etc. On retrouve évidemment le mur d'argent. Hein. On parlait en 1924, on retrouve cela. Et évidemment, les choses sont extrêmement complexes. Qu'il n'y ait pas eu de confiance parmi les détenteurs de capitaux, c'est vrai, les capitaux sont partis. Mais il faut déjà préciser que les capitaux sont partis avant le Front populaire. Parce que le franc était surévalué, parce qu'il y avait une crise du franc. L'arrivée du Front populaire a peut-être un peu accéléré l'exode des capitaux qui sont revenus après la fin du Front populaire. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre de morale là-dedans. Les capitaux, effectivement, on ne leur demande pas d'être forcément patriotiques ou non. Alors, on peut effectivement regretter qu'ils ne soient pas patriotiques, mais c'est ainsi. Quant aux industriels, ça dépend vraiment des branches, ça dépend des entreprises. Il y a effectivement des industriels qui avaient moins d'allant dans les années 30, mais ce n'est pas du tout à cause du Front populaire, que dans les années 20 ou qu'avant 1914, et d'autres, au contraire, qui étaient extrêmement modernes. Là, les milieux d'affaires ne sont pas un bloc. Il faudrait effectivement voir beaucoup plus finement quels sont les milieux industriels qui étaient dynamiques et quels étaient ceux qui l'étaient moins. On voit comment la sensibilité au déclin peut se décliner selon tout l'éventail des sensibilités politiques, et c'est assez normal, alors qu'en réalité, 1940, c'est plus la défaite d'une stratégie que l'effet d'une insuffisance d'armement. Cette espèce de contradiction entre le fait de se défendre derrière la ligne Maginot et en même temps d'avoir une politique d'alliance avec des pays d'Europe centrale, et puis cette absence de réflexion sur le mouvement d'une armée blindée, c'est beaucoup plus cela qui explique les choses avec le recul que l'idée du déclin. Marc Bloch le dit dans son livre L'étrange défaite dès la fin 1940, donc quelques mois après la défaite, c'est avant tout une défaite intellectuelle. C'est-à-dire la France aligne autant de chars que l'Allemagne, hein, 3000 chars. La France aligne ses 3000 chars entre la mer du Nord et le Jura, alors que les chars allemands vont passer par le Schwerpunkt, hein, par les Ardennes, vont être massés. C'est l'idée des divisions blindées que le général de Gaulle avait prôné en France, malheureusement en vain, hein, sauf peut-être à la dernière minute, mais c'était déjà trop tard. Quoi qu'il en soit, on a le sentiment que la France était préparée à une guerre mondiale, vous le montrez bien dans votre livre, Robert Franck, mais qu'elle n'était pas encore une guerre mondiale en mai-juin 40, et quand elle l'est devenue, la France n'était plus dans la guerre. Quoi qu'il en soit, restons un instant dans ces années 30 finissantes en écoutant Daladier, président du Conseil, qui, on l'a oublié souvent, a été extrêmement populaire entre 1938 et 1939. Un pays déchiré par la discorde ne sauve pas la paix. Un pays déchiré par la discorde ne peut pas défendre ses droits ni ses libertés. Et nul ne tient compte, quand un pays est divisé, de ses grands intérêts ou de ses profondes volontés. Nous avons donc voulu mettre un terme d'abord aux agitations sociales, aux incertitudes, morales, qui avait divisé si longtemps notre patrie. Les Français sont aujourd'hui plus unis qu'ils ne le furent depuis longtemps. Ils ont tous accepté de servir d'abord la nation. Ils ont renoncé aux manifestations retentissantes et vaines. Et avec la disparition des conflits sociaux, avec le sentiment général de la nécessité de l'effort collectif, avec la limitation volontaire des polémiques, ils ont retrouvé la confiance dans leur avenir. Cette confiance légitime, elle trouve d'abord sa base la plus solide dans le relèvement régulier de la production française. Car un pays qui ne travaille pas est un pays voué à la servitude et au démembrement. Il fallait donc remettre la France au travail. Le recours à la facilité conduit à travers un bien-être précaire et fugitif à la catastrophe finale. Nous avons proposé au pays la loi de l'effort. Le pays l'a accepté. C'est pourquoi la patrie est plus forte. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Daladier s'exprime ici devant le Parti radical le 27 novembre 1938. Tout gouvernement qui arrive au pouvoir a tendance à dire que le redressement date de lui, mais en l'occurrence, c'est vrai. Il s'est manifesté en particulier par l'idée de défense du travail. Ce ministre du Front populaire qui a été Daladier s'en prend maintenant aux manifestations sociales. Et juste après, il y a des grèves qui vont être brisées, des grèves très importantes. On est vraiment à un moment dramatique, hein, et Édouard Daladier, du Parti radical, est celui qui permet le Front populaire, puisque grâce à lui, le Parti radical en 35-36, se rallie au Front populaire, allié donc avec le Parti socialiste, allié avec le Parti communiste. Le gouvernement du Front populaire sera dirigé par Léon Blum de 36 à 37, et à partir de 37, il y aura une certaine crise du Front populaire. Mais entre-temps, bon, Hitler réarme. Daladier est d'ailleurs celui qui contribue au réarmement français, mais c'est celui qui, au moment de la crise des Sudètes, qui a eu lieu quelques semaines auparavant, Munich, est l'artisan de Munich. Il est d'une certaine manière munichois, mais non pas parce qu'il refuse la guerre, mais parce qu'il trouve que la France n'est pas prête à la guerre. Il s'agit de gagner du temps. Il s'agit de gagner du temps, exactement. Et en particulier, il pense que sur le plan de la production aéronautique, sur la production des armements, la France n'est pas tout à fait prête. Et il pense aussi, et on en revient à la question morale, que la France n'est pas prête moralement, parce que divisée, parce qu'il y a encore des grèves, et il veut mettre fin à ces grèves. D'où cette formule, il faut remettre la France au travail. Allusion aussi aux 40 heures. Hein. Il s'agit d'assouplir les 40 heures et les syndicats ne le veulent pas. Il dit un peu trop rapidement, les grèves sont finies, etc. C'est pas tout à fait vrai, puisque trois jours plus tard, il y aura cette très grande grève du 30 novembre. Mais c'est vrai, un, elle sera réprimée, et deux, ça sera un échec. Finalement, pour les semaines qui vont venir après, Daladier a raison, c'est vrai que après ce discours, après surtout l'échec de la grève du 30 novembre, fin 38 et toute l'année 39, il y a un vrai sursaut français, assez méconnu, parce que effectivement entre la capitulation diplomatique de Munich et la capitulation militaire de 1940, on a l'impression qu'il y a une ligne continue de déclin, de pessimisme, etc. Alors qu'il y a un véritable sursaut en 39 et une certaine unité nationale que Daladier incarne, d'où sa popularité, qui sera évidemment perdu par la suite, parce qu'évidemment, Daladier va plutôt incarner l'exemple de la défaite, mais on ne sait pas encore que la France va être battue en 1940. On ne travaille pas assez, car avec la prégnance du symbole des 40 heures, évidemment, il y a un écho avec nos 35 heures contemporaines. Les discours sur les 35 heures contemporains sont à peu près les discours sur les 40 heures. On retrouve plusieurs types de discours. Premièrement, le travail n'est pas une quantité sur laquelle on peut jouer. C'est pas parce qu'on diminue les horaires de travail que l'on va ainsi créer des emplois. Ça, c'est le premier discours. La somme possible de travail n'est pas fixe. Et d'autre part, l'idée morale, tout fout le camp. Si on travaille moins, ce sont les valeurs qui tombent, etc. On retrouve donc ce même type de discours. Et on a, bien sûr, posé la question de la responsabilité des 40 heures dans la défaite française. Les résultats sont que c'est là aussi assez compliqué. Les 40 heures n'ont pas été responsable de la défaite. Disons que tout le temps que les 40 heures ont été appliquées d'une façon un peu stricte, la machine de production n'était pas prête, n'était pas assez modernisée. Et ce sont les nationalisations faites par le Front Populaire qui ont permis cette modernisation. Et au fond, à partir du moment où cette machine est prête, c'est justement, peut-être que ça tombe bien, le moment de l'assouplissement de ces 40 heures par Daladier et Paul Reynaud. Ces gouvernements ont manqué au devoir parce qu'ils n'ont pas suffisamment, en dépit du propos de Daladier, promu le travail, l'effort. Et naturellement, on en paye le prix. Écoutez, ce discours qui n'est pas l'un des plus connus du maréchal Pétain, le 29 décembre 1940. C'est à vous, jeunes Français, que je m'adresse aujourd'hui. Vous qui représentez l'avenir de la France et à qui j'ai voué une affection et une sollicitude particulière. Vous souffrez dans le présent. Vous êtes inquiets pour l'avenir. Le présent est sombre, en effet. Mais l'avenir sera clair si vous savez vous montrer digne de votre destin. Vous payez des fautes qui ne sont pas les vôtres. C'est une dure loi qu'il faut comprendre et accepter, au lieu de la subir ou de se révolter contre elle. Alors, l'épreuve devient bienfaisante. Elle trempe les âmes et les corps et prépare les lendemains réparateurs. L'atmosphère malsaine dans laquelle ont grandi beaucoup de vos aînés, a détendu leurs énergies, amolli leur courage et les a conduits par les chemins fleuris du plaisir à la pire catastrophe de notre histoire. Pour vous, engagés dès le jeune âge dans des sentiers abrupts, vous apprendrez à préférer aux plaisirs faciles les joies des difficultés surmontées. Méditez ces maximes. Le plaisir abaisse, la joie élève. Le plaisir affaiblit, la joie rend fort. Cultivez en vous le sens et l'amour de l'effort. C'est une part essentielle de la dignité de l'homme et de son efficacité. Mes chers amis, il y a une concordance symbolique entre la dure saison qui nous inflige ses privations et ses souffrances et la douloureuse période que traverse notre pays. Mais au plus fort de l'hiver, nous gardons intacte notre foi dans le retour du printemps. Oui, jeunes Français, la France, aujourd'hui dépouillée, un jour prochain reverdira, refleurira. Puisse le printemps de votre jeunesse s'épanouir bientôt dans le printemps de la France ressuscitée. Passons, Robert Franck, passons vite sur ce que nous disent les biographes de Pétain. selon qui le maréchal n'a pas toujours dédaigné les plaisirs terrestres, y compris dans ses boxons dont Mouloudji déplorait dans la chanson initiale la disparition. Et allons à l'essentiel, en particulier à cette image des saisons successives, avec cette idée cyclique, le déclin et le renouveau. C'est important, ce discours sur le déclin, effectivement, s'articule sur la triple temporalité du passé, du présent et de l'avenir. Hein. Donc, s'adressant à la jeunesse, il dit « Vous payez des fautes qui ne sont pas les vôtres ». Et bien entendu, il s'agit des années 30, il s'agit du Front Populaire, etc. Il avait déjà dit, au moment de la défaite de 40, lorsqu'il s'adressait aux Français pour expliquer pourquoi il allait signer l'armistice, l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. Et là, il reprend quelques mois plus tard, en décembre 40, cette même idée. L'esprit de jouissance, c'est bien sûr le Front Populaire. Donc on retrouve implicitement le Front Populaire responsable de la défaite. Évidemment, c'est aussi cacher ses propres responsabilités. Le maréchal Pétain était ministre de la guerre avant le Front Populaire en 1934, et c'est à ce titre qu'il a refusé les divisions blindées voulues par le lieutenant-colonel de Gaulle, devenu ensuite général. C'est également en 1934 qu'il a refusé la prolongation de la ligne Maginot tout à fait au nord. Et avec un mot fameux sur les Ardennes. Oui, c'est ça, et disant, bon, bah, s'ils passent par là, hein, les Allemands, hein, par les Ardennes, eh bien, nous tirons sur eux à la sortie de la forêt, comme le chasseur tire sur les lapins. On les repassera à la sortie. Exactement. Voilà. Donc voilà, il a aussi sa responsabilité, bien sûr, relativement bien cachée. Mais au-delà des responsabilités de Pétain et les siens, notre réflexion ce matin sur l'idée de déclin ou de décadence trouve une application particulière à Vichy. Tout à fait, parce que Vichy, c'est la Révolution nationale. C'est la volonté, là encore, d'une régénérescence. Voilà pourquoi il articule à ce présent douloureux un avenir qui sera davantage radieux grâce à cette renaissance de la France. Bon, il n'ajoute pas cette renaissance de la France, il l'entrevoit alors dans le cadre de l'Europe nouvelle de Hitler, bien entendu. Mais c'est intéressant parce qu'au fond, cette défaite de 1940 est le traumatisme le plus profond que la France et les Français aient connu. Le corps de la nation était plus blessé en 14-18, mais son âme et sa conscience davantage en 40. Là, vraiment, c'est l'identité nationale qui est blessée. Et du coup, il y a peut-être un effet de résilience. Un effet de résilience que l'on va trouver dans tous les milieux. D'une certaine manière, le maréchal Pétain fait allusion à cette résilience. Bon, il a ses idées, il les voit peut-être dans le cadre de l'Europe hitlérienne. Bon, évidemment. Vous voulez dire quoi par résilience ? Je veux dire, l'idée que, bon, nous sommes au fond du puits, hein, et il faut, avec les pieds, donc bien ressauter en appuyant sur le fond pour revenir à la surface. Dans une certaine mesure, dans quelques mois, la résistance, lorsqu'il y aura des écrits de la résistance sur l'avenir de la France, c'est cette idée justement de retrouver un rôle de la France grâce à la résistance et grâce au combat du côté des alliés. C'est pourquoi renaît à la libération la réflexion sur la France grande puissance, nostalgie des années 20 et d'avant 14 évidemment. Pendant un certain temps, d'après les sondages, les Français en 1945 croient que la France, sont les premiers sondages d'après-guerre qui commencent d'être très efficaces, croient qu'il va y avoir réintégration de la France dans son rôle. Et puis on voit s'effriter d'année en année cette conviction. On a un sondage septembre 1944, donc quelques jours après la libération de Paris. La question posée est, est-ce que la France pourra redevenir une grande puissance ? Et on a 64% de oui. Alors bien sûr, les Français sont lucides. La France n'est pas une grande puissance en septembre 1944, mais l'idée qu'elle pourra le devenir ou le redevenir. On a un sondage en 1948, où on pose la question cette fois, non pas dans le futur, mais au présent, est-ce que la France est une grande puissance ? Et on a à peu près le même chiffre, 64%, pour répondre au contraire, non, hein, la France n'est plus une grande puissance. Et c'est pas mal vu. Je veux dire, parce qu'on parle des perceptions, on parle de la hantise, du déclin, etc. Là, c'est pas mal vu. La France change de statut. Toutes les grandes puissances européennes ont perdu ce statut de grande puissance. La France des 40 et l'Allemagne dès 1945. Elle devient en somme ce que Hubert Védrine appelait une puissance moyenne d'influence mondiale. Tout à fait. Giscard d'Estaing a beaucoup choqué lorsqu'il a employé l'expression de puissance moyenne quand il était président de la République dans les années 70 à propos de la France. Oui, je crois qu'il y a une certaine lucidité. Lorsqu'on analyse le vocabulaire du général de Gaulle, c'est rare qu'il dise que la France est une grande puissance. Il parle plutôt de rang. Hein. Il pense que la France doit retrouver son rang. La formule est assez habile, parce que si vous prenez aujourd'hui la France est la cinquième puissance mondiale sur le plan économique. En 1914 ou en 1931, au fait de la puissance, la France était la quatrième puissance mondiale. Donc l'ordre de grandeur n'est pas le même. Mais avant 1940, la France est une grande puissance, donc ça ne se mesure pas seulement quantitativement. Même si la France a quasiment le même rang aujourd'hui, elle n'est plus une grande puissance. Tout en étant toujours la cinquième puissance, semble-t-il, d'après la plupart. Une grande puissance, c'est une puissance économique, je veux dire. Une grande puissance, c'est une puissance qui arrive à elle seule à assurer sa sécurité et son indépendance. C'était le cas, si vous voulez, grosso modo le cas avant 14 ou dans les années 20. Ce n'est plus le cas après 1945. Quant au second aspect de cette idée de déclin, je veux dire ce qui concerne l'identité nationale, ce qu'un peuple croit de lui-même, ce qu'il pense de lui-même, la guerre de 40 a également des conséquences. Vous le faites très bien remarquer dans votre livre. Il y a une construction permanente pour les Britanniques. C'est désormais le peuple héros. Pour les Américains, c'est le peuple sauveur. Pour la Pologne, il s'agit du peuple martyr. Pour les Allemands, du peuple bourreau qui se bat la coupe. La France a des martyrs, a des héros, a des bourreaux. Mais l'unité est moins aisée à construire et c'est ce à quoi De Gaulle va s'employer au moment de son retour au pouvoir. La France a du mal à s'identifier à tel ou tel personnage ou telle allégorie de la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas le cas pour les autres peuples qui, mythe ou réalité, peu importe, arrivent à s'identifier soit avec des héros, soit avec des martyrs, soit avec des bourreaux. Hein, la fierté britannique, la fierté soviétique et qui reste encore dans la Russie de Poutine. Hein, je veux dire, la Grande Guerre patriotique, ça compte. Même l'Allemagne arrive à s'identifier. Le peuple bourreau est du coup une identité allemande qui va changer complètement. Le plus jamais ça pour un Allemand, c'est le militarisme, le nationalisme de puissance, la marque politique. Pour la France, c'est différent. Parce que précisément, la France est retirée de la guerre. Parce que précisément, il y a à la fois Vichy, la collaboration, la résistance, un certain attentisme. La France a du mal à se retrouver dans tout cela. Il reste quelque chose après la guerre. Si après 1918, pour les Français, le plus jamais ça, c'était la guerre, après 1945, le plus jamais ça, c'est la défaite. C'est le fait de se retrouver seul. On voit la différence avec l'Allemagne. L'Allemagne, le plus jamais ça après 45, c'est plus jamais ça, c'est Hitler. Mais derrière Hitler, même le simple nationalisme, même le militarisme, voilà pourquoi la France et l'Allemagne sont aujourd'hui deux puissances moyennes. Voilà pourquoi l'Allemagne est supérieure à la France au plan économique. L'Allemagne a sûrement un rôle plus grand aujourd'hui en Europe, mais l'Allemagne n'a pas cette vocation mondiale. Vous disiez tout à l'heure, Védrine disait de la France, puissance moyenne à vocation mondiale, comme la Grande-Bretagne d'ailleurs, mais l'Allemagne est une puissance moyenne, peut-être plus grande d'ailleurs, mais pas à vocation mondiale, parce qu'elle refuse précisément, c'est ça son syndrome de 45, elle refuse précisément de retrouver, disons, ce qui ressemblerait à une volonté de puissance, hein, de style nietzschéen, avec laquelle elle a rompu définitivement par le rejet de Hitler et de l'hitlérisme. D'ailleurs, si on considère comme Victor Hugo qu'il n'y a d'Europe possible que dans l'union entre la France et l'Allemagne, on comprend, à vous écouter, pourquoi ça n'a pas pu marcher dans les années 20 et pourquoi ça a marché dans les années 50. Dans les années 20, beaucoup d'idées contemporaines ont été agitées, y compris la monnaie unique, toutes sortes d'unions, de rapprochements. Et ça n'a pas marché parce que la France se considérait comme une grande puissance et que l'Allemagne se considérait comme l'étant restée, ou en tout cas n'ayant pas été vaincue. Alors qu'en 1950, à l'époque des débuts de la CECA, du marché commun, de la construction européenne, l'Allemagne, évidemment, s'est vaincue, elle l'a éprouvé dans sa chair, en termes matériels et en termes humains, dramatiquement. Mais la France, au fond, en dépit de la geste magnifique de Gaulle, qui a permis de l'installer dans le camp des vainqueurs, la France n'a pas oublié sa défaite de 1940. Et ce sont, au fond, peut-être deux vaincus qui se retrouvent et qui vont faire l'Europe ensemble. Est-ce que vous agréeriez cette Tout analyse? Tout à fait. Les syndromes de la défaite, 40 pour la France, 43 pour l'Italie, 45 pour l'Allemagne, font que ces trois pays vont pouvoir faire l'Europe. Et paradoxalement, la Grande-Bretagne a du mal à comprendre, grâce à ou à cause de sa gloire, qu'elle n'est plus une grande puissance. Il lui faut du temps pour intérioriser l'idée que la Grande-Bretagne n'est plus une grande puissance, alors que Allemands, Italiens et Français arrivent à intégrer cette idée très très très vite. D'où ce retard à l'allumage, à la construction européenne des Britanniques. Chacun des deux pays, au fond, ayant conscience d'un certain déclin et transformant ce déclin en ambition nouvelle. C'est là qu'on retrouve l'opposition entre une vision linéaire, un peu à la Paul Valéry, d'un déclin progressif des civilisations, et une vision au contraire cyclique, qui peut être, par exemple, celle du général de Gaulle. À la fin, vous vous rappelez des mémoires de guerre, il écrit « Vieille France, accablée d'histoire, allant et venant sans relâche de la grandeur au déclin, mais redressée de siècle en siècle par le génie du renouveau. » C'est bien ce qu'il a l'ambition d'incarner quand il revient au pouvoir. Écoutons-le s'exprimer le 27 avril 1965 et nous parler du déclin, de la décadence et du renouveau. Reconnaissons qu'ayant été autrefois un peuple colosse, en fait de population, de richesse et de puissance, nous revenons de loin pour jouer à nouveau notre rôle international. Car il y a une centaine d'années, notre expansion démographique et économique, et du même coup notre force, commencèrent à décliner. Ensuite, se succédèrent les deux guerres mondiales qui nous ruinèrent et nous décimèrent, tandis que deux grands États, les États-Unis et la Russie, parvenaient à leur tour au sommet. Dans cette situation actuellement diminuée, la tentation du renoncement, qui est à un peuple affaibli, ce que celle du laisser-aller est à un homme humilié, aurait pu nous emporter à une décadence sans retour, et d'autant plus qu'ayant pris jadis l'habitude d'être toujours au premier rang, non parfois sans outrecuidance, notre amoindrissement relatif risquait à présent de nous porter à trop douter de nous-mêmes. Et de fait, après le sursaut de confiance et de fierté française qui, au cours de la dernière guerre, nous tira d'un abîme mortel, et en dépit des forces vives qui reparaissaient chez nous avec une vigueur renouvelée, la tendance à l'effacement s'y était momentanément fait jour au point d'être érigée en doctrine et en politique. Eh bien, le fait principal de ces 7 dernières années, c'est que nous avons résisté aux sirènes de l'abandon et choisi l'indépendance. On est là, n'est-ce pas, Robert Franck, au cœur de cette vision cyclique, à la fois des réalités de la puissance française, de sa cohésion, et d'autre part des perceptions que la France peut en avoir. Et des perceptions du général de Gaulle lui-même. Effectivement, on a là un discours qui voit au fond presque des cycles militaires. Hein. Il dit, il y a 100 ans, donc il faut voir, donc 1865, on est sous Napoléon III, le peuple colosse, l'expansion démographique, économique, pourquoi pas déjà coloniale, déjà le déclin qui se met en place. Allusion évidemment à la catastrophe de 1871. De Gaulle, né en 90, qui a 24 ans au moment de 1914, est évidemment frappé par cette défaite de 71. Et après, disons, les deux guerres mondiales. Et la deuxième guerre mondiale, bien sûr, propulse les deux superpuissances, qui est la place de la France. Mais il se met lui-même en scène dans son discours. Il y a eu ce sursaut dont il parle. Et il parle évidemment du sursaut du général de Gaulle lui-même, la France libre et la France combattante. Mais ensuite, il y a bien sûr cette parenthèse, c'est-à-dire cette tendance à l'effacement, évidemment, cette tendance à l'effacement, allusion à la 4e République. Avec cette belle image du laisser-aller propre à un homme humilié. Le laisser-aller, et là, il s'agit bien sûr de la 4e République. Et depuis 7 ans, dit-il, évidemment, tout change. On est en 65, et évidemment, allusion à 1958 et à son arrivée au pouvoir. Il y a eu aussi la décolonisation, que nous n'avons pas encore évoquée, qui est un élément important dans cette idée, chez beaucoup, d'un déclin français. La décolonisation, effectivement, accroît cette perception du déclin, mais on pourrait dire aussi que la hantise du déclin a fait que la France a eu du mal à décoloniser. Si on compare la Grande-Bretagne et la France, la Grande-Bretagne a eu moins de complexes à décoloniser. Je veux dire, l'indépendance de l'Inde, elle se fera d'ailleurs d'une façon catastrophique, avec beaucoup de morts à cause de la partition. Mais, je veux dire, les Britanniques eux-mêmes arrivent à l'idée qu'il faut donner l'indépendance à l'Inde. Au même moment, ça sera la guerre française d'Indochine, parce que la France, les Français, l'opinion, les hommes politiques ne peuvent pas concevoir l'indépendance de l'Indochine. Là, le syndrome de la défaite y est pour quelque chose. L'idée que, bon, on a déjà renoncé en 40, on a déjà décliné depuis 1940, on ne peut pas continuer ce déclin en décolonisant. Et bien sûr, ce sont les drames de la décolonisation qui font que la France va se résoudre à ce processus. Et là, justement, en 65, au moment où De Gaulle part, ça y est, on est sorti de ce complexe. Hein. L'idée qu'après tout, cette décolonisation, une fois qu'elle est faite, ça peut être un atout, la France peut rebondir, et c'est précisément après la fin de la guerre d'Algérie, grâce à De Gaulle en 62, que la France peut retrouver une politique extérieure, délivrée de ce boulet algérien, délivrée de cette hypothèque coloniale, et rentrer dans la grande politique par rapport aux deux super grands entre lesquels il faut trouver une place. C'est quelques années plus tard, à l'automne 1968, que De Gaulle a refusé la dévaluation du franc. Ce qui m'amène à vous demander, Robert Franck, de dire un mot peut-être sur la monnaie comme symbole potentiel d'un déclin, puisque ça nous conduit à tous les débats actuels sur l'euro. Précisément, la monnaie n'a pas que des fonctions économiques, hein, instrument de mesure, de paiement ou de réserve, pas seulement une fonction politique, hein, la souveraineté, mais aussi une fonction symbolique. C'est-à-dire, ça peut aider ou non à un processus d'identification. Hein. On sait comment les Allemands, après 1948, les Allemands de l'Ouest, se sont identifiés au Deutschmark, ils ont eu du mal à l'abandonner au moment de l'arrivée de l'euro. Je ne dirais pas que les Français s'étaient forcément fiers de leur franc, donc le passage à l'euro n'était pas si difficile que ça, mais malgré tout, à chaque dévaluation du franc, déjà en 1928 avec Poincaré, et puis les diverses dévaluations en 36, 37, 38, puis 45, et les autres dévaluations, celle de 58, et celle refusée par De Gaulle en 68, mais que Pompidou fera finalement en 69, l'impression que la France perd avec cette dévaluation ou ces dévaluations une part de sa substance, ce qui évidemment est faux. Mais là, le symbole est extrêmement fort. Alors que pour l'euro, on ne peut pas en principe en sortir, sauf accident dramatique. Oui, et on a ce paradoxe, c'est que certains disent que l'euro est trop fort, et que précisément c'est un boulet, mais sur le plan symbolique, au moins, il y a cette identification à une monnaie forte. Mais bon, là, l'euro pose d'autres problèmes, celui de la crise même économique, et qui met l'Europe elle-même en crise. Mais c'est vrai, la monnaie joue un rôle important souvent dans ces discours déclinistes. Puisque nous parlons d'économie, il faut faire sa place à la réflexion sur les 30 glorieuses, expression de Jean Forastier, qui fait partie aujourd'hui de ce qui est cette réflexion sur le déclin, qui est si présente dans notre actualité et qui est l'occasion de cette émission. Robert Franck. Les 30 glorieuses ont été un moment d'optimisme. Et vous parliez des cycles de la perception du déclin. Et là, de ce point de vue, les 30 Glorieuses ont permis de mettre fin à ce cycle de représentation du déclin. Déjà sous la 4e République, l'idée de moderniser l'économie, l'idée de tenir compte de la défaite de 40. Nous n'étions pas prêts en 1940. Nous avons commis des erreurs. Nous avons voulu peut-être réarmer sans, au préalable, moderniser notre économie. Précisément, le grand débat au début de la 4e République sera, plutôt que d'avoir des dépenses lourdes d'armement, et après tout, il n'y en a pas besoin, l'Allemagne est vaincue, les États-Unis nous protègent, modernisons d'abord notre économie, et c'est seulement l'économie, une fois modernisée, que nous pourrons prétendre à une politique de défense nationale véritable. D'où d'ailleurs le duel entre le général de Gaulle et l'Assemblée constituante fin 45, début 46, parce que précisément l'Assemblée constituante, socialiste en tête, veulent mettre en priorité la modernisation de l'économie avant des dépenses d'armement lourdes qui pourraient justement hypothéquer cette modernisation. C'est une des causes, c'est pas la cause principale, mais c'est une des causes du départ du général de Gaulle le 20 janvier 46. Et effectivement, les gouvernements suivants vont aller très loin dans cette modernisation de l'économie. En même temps, on est obligé de faire beaucoup de dépenses militaires. Pendant très longtemps, l'essentiel de la défense nationale s'organisait de façon continentale, sur les frontières de la France métropolitaine. Et pour la première fois, commence de se dessiner, ce qui est toujours vrai aujourd'hui, une action militaire extra-européenne. La guerre d'Indochine en particulier. Au moment de la guerre d'Indochine, les dépenses de défense nationale redeviennent extrêmement importantes. Mais bon, Hugues Tertrais l'a bien montré, une grande partie de ces dépenses de défense nationale investies dans la guerre d'Indochine vont venir des États-Unis. Vous ne pensez pas que l'idée du déclin qui prospère aujourd'hui s'enracine encore chez certains de nos contemporains dans la nostalgie de l'Empire ? On retrouve ça, bien entendu. Je crois que c'est un peu marginal. Aujourd'hui, c'est là la grande différence par rapport aux 30 Glorieuses, c'est que pendant les 30 Glorieuses, on croyait à l'avenir. Même après la décolonisation, on pensait que c'était peut-être une bonne solution que de choisir l'Europe. Depuis les années 70, les années 80 à 90, il y a cette perte de confiance dans l'avenir. Et je crois qu'on a une vraie rupture avec les années 70 par rapport aux décennies qui précèdent, voire aux siècles qui précèdent. Ce que De Gaulle dit sur les cycles du déclin ou de la perception du déclin, c'est vrai, au 19e et au 20e siècle. À partir des années 70, je dirais, il y a moins de cycles. Le discours sur le déclin, c'est pas seulement un discours sur le fait que la France est moins puissante qu'auparavant, c'est aussi un discours sur l'absence d'avenir, une crise de l'avenir. Et là, je crois qu'on a quasiment un tournant anthropologique, du moins pour l'Europe, et en particulier pour la France, c'est pas valable pour la Chine, c'est pas valable pour les États-Unis, l'idée qu'il y a eu un progrès avec des hauts et des bas depuis le XVIe siècle, le XVIIIe siècle, depuis les Lumières, on croyait au progrès, on y croyait peut-être un tout petit peu moins après chaque grande catastrophe et des grands massacres, hein, en 1919, après la Seconde Guerre mondiale, après Auschwitz, on a peut-être moins foi au progrès, mais ça redémarre. Et tout à coup, depuis les années 70, on ne croit plus à l'avenir, du moins en France, dans une grande partie de l'Europe. Et c'est peut-être ça qui change le discours sur le déclin. Dans une certaine mesure, on a moins de catastrophes, comme 14-18, 39-45, mais on a peut-être une perception du déclin plus forte parce que liée à une angoisse fondamentale qui est qu'on ne croit plus en l'avenir, qui nous sépare complètement de ces 30 glorieuses qui étaient au contraire un excédent d'avenir jusqu'à croire que la fin pouvait justifier les moyens et qu'on pouvait arriver à des avenirs radieux, même avec la violence, ce qui évidemment n'a plus du tout cours aujourd'hui. Pour revenir un instant à la politique étrangère, on ne peut qu'être sensible au fait qu'au fond, paradoxalement, la France n'a jamais été aussi pacifiste que quand les dangers à la frontière étaient considérables, hein, les années 30, et jamais aussi vigilante, avec en particulier la bombe atomique, l'armement nucléaire de la France, les sous-marins, etc., jamais aussi vigilante que lorsque la sécurité était assez bien assurée par l'Alliance Atlantique. Ça s'explique, mais effectivement, il n'y a rien de rationnel. Dans les années 30, on est obsédé par le massacre de 14-18. Donc plus jamais ça, c'est la guerre. C'est la guerre que l'on craint, hein, d'où ce pacifisme. Hein, d'où ce pacifisme qui, finalement, n'a peut-être pas retardé le réarmement. Ce réarmement, d'ailleurs, a été fait peut-être sur un plan dissuasif. Plus on réarme, peut-être, plus ça fera peur aux Allemands et moins ils nous attaqueront. Ça, c'est pas tout à fait avéré exact. Mais c'est vrai qu'il y a cette contradiction. Il y a ce pacifisme de l'époque. Après 1945... Il y a moins à craindre pour la sécurité française, qui est protégée par le parapluie américain. Mais justement, il y a le syndrome de 40. Le plus jamais ça, c'est cette défaite. Et de ce point de vue, la politique de dissuasion nationale lancée par le général de Gaulle, que tous les autres présidents de la République venus après ont continué, je crois, s'explique de la manière suivante. Certes, la bombe atomique française a une fonction sécuritaire, hein, face à l'Union soviétique du temps de la guerre froide. Mais c'est un peu secondaire, parce qu'après tout, il y a la bombe américaine. Donc deuxième fonction de la bombe atomique française, c'est l'indépendance par rapport aux États-Unis. Mais je crois qu'on oublie une troisième fonction, qui est une fonction identitaire. C'est-à-dire l'idée que, grâce à la bombe atomique, sur le plan de l'imaginaire, on ne subira plus 1940. La France est indépendante. Alors, il y a quelque chose d'un petit peu fantasmagorique dans tout ça, mais peu importe. Hourra pour la France, dit voilà. De Gaulle. Et de ce point de vue, De Gaulle essaye en même temps de réparer le syndrome de 40 et essaye de trouver une solution, je dirais, psychologique, morale, à ce syndrome de la défaite. Décidément, l'idée qu'un peuple se fait de lui-même, en particulier la France, est mêlée de façon très intime à son rayonnement extérieur, à sa capacité d'influence et à sa sécurité par rapport au reste de la planète. Ça se confirme constamment. À son rayonnement extérieur, à sa sécurité, et en même temps, ça permet une certaine cohésion interne, puisque il y a vraiment un consensus national, des communistes jusqu'à la droite, sur la force de dissuasion, et ça, c'est une des grandes réussites du général de Gaulle. Alors, il faut, Robert Franck, que nous terminions notre conversation en évoquant le domaine immense de la culture, au sens plus large du terme, qui est évidemment très essentiel quant à l'image qu'un peuple peut avoir de lui-même. Vous avez vu qu'au moment des deux derniers prix Nobel, le prix Nobel d'économie à Jean Tirole et le prix Nobel de littérature à Modiano, notre premier ministre Manuel Valls a envoyé un tweet, une gazouille, ainsi formulé: après Patrick Modiano, un autre Français au firmament, félicitations à Jean Tirole, quel pied de nez au French bashing. Et d'ailleurs, Le Monde a expliqué que le prix Nobel de Modiano était un pied de nez au déclinologue. Déclinologue, c'est un mot qui a été inventé, semble-t-il, par Villepin à la fin des années 2000. Non, on a effectivement ce paradoxe. On a un peu l'impression que la France se porte mieux que les Français. Qu'effectivement, tout ne va pas si mal que cela en France. Mais qu'en France, il y a un sport national assez bien connu, qui est le French bashing. Il n'y a pas que les Américains qui font du French bashing. Les Français sont très forts également. Alors, ça ne veut pas dire que tout va bien. Vous l'avez dit dans un sondage, les Français sont majoritaires pour dire qu'il y a un besoin de réforme. Et à la limite, si ces réformes ne sont pas faites, il y a peut-être danger. Mais voilà, les prix Nobel montrent qu'il y a dans les forces vives vive française un très grand dynamisme. Au fond, on retrouve quelque chose d'assez typique de la culture poétique française, c'est-à-dire cette navigation entre la dépression complète, la grande déprime, ou au contraire le cocorico, l'arrogance française. Et parfois, dans nos propres discours, nous avons du mal à trouver, disons, une voie moyenne entre arrogance et dépression. C'est ce que disait notre cher maître René Raymond quand il écrivait ceci. « Entre la crainte du déclin et l'espoir du redressement, nous oscillons. Nous passons presque sans transition d'un complexe d'infériorité que demande d'incontestables réussites à un complexe de supériorité qui nous rend parfois insupportables à nos partenaires. Nous balançons entre la morosité et la suffisance. » Je ne sais pas si vous allez considérer que cette seconde archive portant la voix de Paul Valéry et de l'auto-French bashing, je ne sais pas, c'est son dernier discours radiodiffusé. Il va mourir quelques semaines plus tard. On est le 23 mai 1945 et il se compare à un moine à l'époque du Moyen-Âge. Il me souvient que pendant la guerre précédente, je composais un long et difficile poème. Cependant que la France et Paris en particulier étaient formidablement menacées, je me considérais parfois, par exemple à l'époque critique de Verdun, comme un moine du 5e siècle qui, sachant les barbares aux portes de son monastère et s'attendant à chaque instant à une irruption violente, à l'incendie, au pillage et au meurtre, n'en continuait pas moins à écrire de son mieux un hexamètre latin plus ou moins correct, une œuvre qu'il présumait destinée au feu. Je me disais que j'élevais un monument funéraire à ma langue et à la tradition de la poésie française. Eh bien, un sentiment de cette espèce n'est pas moins compréhensible aujourd'hui. Je crains pour l'avenir de la culture. Je ne sais pas s'il fallait faire entendre cette archive à Donald Morrison, cet intellectuel américain qui récemment avait fait un article qui s'appelait « La mort de la culture française ». Pierre Nora y avait d'ailleurs répondu assez vertement. Mais enfin, là, il y a effectivement un problème. D'ailleurs, De Gaulle, au même moment, en 1945, a conscience de ce qu'on appellerait aujourd'hui, malheureusement en anglais toujours, « soft power », l'influence, en augmentant beaucoup les crédits de la culture extérieure. Il y a trois grandes directions au Quai d'Orsay à l'époque, affaires politiques, affaires économiques et affaires culturelles. Mais tout cela a une longue histoire, plus longue que cela. Et effectivement, c'est Joseph Nye qui a inventé cette formule de soft power. Mais au fond, les Français ou la France a inventé la chose, la politique, avant le mot. Dès la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, avec l'éclosion des alliances françaises, avec la mise en place du bureau des œuvres françaises, le ministère des Affaires étrangères est conscient d'une chose. La France a une puissance économique qui risque d'être concurrencée par la puissance américaine, allemande et britannique. Mais heureusement, il y a la culture française. Donc la diplomatie culturelle française commence avant la diplomatie culturelle britannique, allemande et américaine. C'est une des premières diplomaties culturelles au monde. Et vous avez raison de dire que lorsque le général de Gaulle, sous la 5e République, est au pouvoir, il relance cette diplomatie culturelle. Déjà en 45, puis en 58. En 45 et à partir de 58, et cela continue. Donc la diplomatie culturelle, et au fond, Valéry y fait allusion, c'est dans une certaine mesure la réponse à la hantise du déclin. Si jamais nous déclinons sur le plan économique ou si nous n'avons pas la force économique de certaines grandes puissances, il nous reste la culture. Tout est perdu, fort la culture. Et grâce à cette culture française, nous pouvons rayonner davantage. Je rappelle le titre de votre livre, très précieux, c'est la deuxième édition. La première édition était de 1994. Donc, 20 ans de distance, mais permanence d'une réflexion. La hantise du déclin, la France de 1914 à 2014, publiée chez Belin. Vous pourrez trouver une bibliographie, vous le savez, complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission. Je pense, je crains que son actualité continue d'être durable. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le précieux concours de Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée comme chaque samedi par Patrick Molinier, avec Clément Daté à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Sandra Escamez pour les Archivina. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour Affaires étrangères.